Moi je suis un otaku et ça me plaît vraiment beaucoup. T'as rien à dire sur les genres de geek comme moi. Pikachu est mon ami et Mitsu ou ma petite amie. Et puis je n'ai rien à dire à une image comme toi. Un soir je rentrais chez moi après la Japan, les bras chargés de Doji Nenai. Quand une vieille me regarde offusquée, des coins soient un peu mémé. Peu après je rentre dans le métro Ligne 5, quand une racaille fait un sourire en coin. Voilà qui me sort tout haut, du bol prudent sans cadeau. Bordel, qu'est-ce qu'ils font chier? Est-ce que je le vanne sur son RNB? Bordel, et toi mimi, comme si t'avais jamais lu BD. Moi je suis un otaku et ça plaît vraiment beaucoup. T'as rien à dire sur les genres de geek comme moi. Pikachu est mon ami et Mikuru ma petite amie. Et puis je n'ai rien à dire à une image comme toi. Kokuwa otaku des démons ou les shidayo. Watashi wa nayamazu teishi. Pikachu wa tomodachi, Mikuru no wa koibito. Watashi wa anata ni anasanai. Je travaille à mi-temps dans une boîte de fansub et je participe à une dizaine de tubes. J'y ai tendance à être mal compris, traité de pirate mal permis. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je préfère les peintures au string? Ça me déprime. Bordel, qu'est-ce que ce pays? Je croyais que c'était un pays libre. Oh oui. Moi je suis un otaku et ça me plaît vraiment beaucoup. T'as rien à dire sur les genres de geek comme moi. Pikachu est mon ami et Mikuru ma petite amie. Et puis je n'ai rien à dire à une image comme toi. Kokuwa otaku des démons ou des shidayo. Watashi wa nayamazu teishi. Pikachu wa tomodachi, Mikuru wa koibito. Watashi wa anata ni anasanai. Magikaru tomeke, magikaru kurai. Kokuwa itaku to sky. Majimeru kete, magikaru kisabase. Moi je suis un otaku et ça me plaît vraiment beaucoup. T'as rien à dire sur les genres de geek comme moi, non. Non. Moi je suis un otaku et ça me plaît vraiment beaucoup. T'as rien à dire sur les genres de geek comme moi. Pikachu est mon ami et Mikuru ma petite amie. Et puis je n'ai rien à dire à une image comme toi. Kokuwa otaku des démons ou les shidayo. Watashi wa nayamazu teishi. Pikachu wa tomodachi, Mikuru wa koibito. Watashi wa anata ni anasanai. Oh,